Chapitre 24e. Un jour, Vivien était profondément endormi et Barbara venait de fermer un livre. Gilmore entrebâille la porte avec précaution et fait des signes à Madame Penroth. Celle-ci sort sur la pointe des pieds, prenant garde de faire le moindre bruit. Un monsieur demande à voir Madame. « Comment, par un temps pareil ? Il pleut à torrent. Je ne puis quitter la chambre de Monsieur Penroth. Ne vous a-t-on pas remis de cartes ?»« Non, Madame. » Je n'ai pas osé dire que madame est sortie, ce serait trop invraisemblable. Ah, c'est sans doute le nouveau des servants. Je ferais mieux de le recevoir tout de suite. Elle a d'abord prié Prissy de la remplacer près de Vivien. Puis elle se dirigea du côté du salon où Gilmore avait introduit l'inconnu. Le grand salon de Penroth Place n'est pas gai, même par le plus beau temps du monde. C'est une pièce longue et peu élevée aux tentures de tapisseries ternes et fanées, au plafond soutenu par de lourds soliveaux, à l'ameublement imposant, austère. Plus le ciel est plombé et bas, plus cette pièce est triste. L'étranger regardait à la fenêtre lorsque Barbara entre, mais il se tourne vivement au bruit du frôlement de sa robe et il fait quelques pas vers elle, chapeau bas. Ses cheveux en désordre et rebelles tombent sur son front. Sa longue barbe couvre à moitié son visage. Son teint est bronzé ou plutôt cuivré. Il porte un paletot. Un cache-nez de cachemire est roulé autour de son cou et de ses oreilles. Mais si, changé qu'il soit par la fatigue et la maladie, Barbara le reconnaît instantanément. « George, est-ce donc vous ? » dit-elle en s'adossant à la porte, comme si elle eût voulu le défendre contre des ennemis. « Pourquoi êtes-vous venu ici ? Pourquoi, dites ? » ?»« Parce que je voulais vous voir à tout prix, à toute force. Je serais allé vous chercher jusqu'aux enfers, comme Orphée son Eurydice. Je serais allé vous chercher en perçant les lignes ennemies, comme Karanag à Lucknow. Puisque vous me le demandez, je suis venu parce qu'on m'a dit que vous n'étiez pas heureuse, et j'ai voulu m'assurer moi-même de ce qu'il y a de vrai ou de faux dans cette nouvelle. Qui vous a dit que je n'étais pas heureuse ? Elle tremble un peu, mais elle finit par dominer son émotion, et elle paraît calme, presque, jusqu'à l'indifférence. Le commis de votre père, répond George Leland, je l'ai rencontré avant-hier à Londres. Et il vous a dit que je n'étais pas heureuse ? Oui. « Monsieur Mulford n'est qu'un calomniateur et un menteur. Je suis enchanté de voir qu'il m'a trompé. » Malgré la rudesse de son langage et de ses manières, mon mari est la bonté et la générosité même. Loin de me plaindre de mon sort, je dois remercier la Providence. Mais je m'oublie à vous parler de moi. Il s'est passé tant de choses depuis que nous ne nous sommes vus. Dites-moi d'abord comment il se fait que vous soyez en Angleterre. Il est temps, paraît-il, que je me repose. Les médecins m'ont renvoyé en Angleterre. J'ai passé tant de nuits sans sommeil. J'étais blessé à Lucknow et je suis resté 3 mois à l'hôpital sur un grabat. J'étais aux prises avec la mort plus d'une fois, n'attendant plus que l'arrêt du destin. Je ne croyais pas revoir jamais la terre anglaise. Barbara attache sur George Leland un regard profond. Elle pâlit en le voyant si pâle. Ses joues creuses, ses yeux profondément enfoncés et bistrés, ses rides prématurées, sont la preuve irrécusable de ce qu'il a souffert, des dangers qu'il a courus, des épreuves qu'il a subies, des privations qu'il a endurées en cueillant ses lauriers teints de sang. « Vous semblez bien souffrant, » lui dit-elle. « C'est vrai, » répond-il. « Mais j'existe, quand tant d'autres ont disparu. Que de héros sont restés sur cette terre lointaine. Pauvre Havelock, quelle perte. Ah, Barbara, devant tant d'héroïsme, on oublie jusqu'aux amours brisés, jusqu'aux arrêts de l'inflexible destin. « Et vous aussi, vous vous êtes conduit en héros ? » dit-elle en rougissant. « J'ai fait mon devoir, » répond-il. « Je sais cependant que l'on m'a accusé de manquer de courage. Mais, ajoute-t-il avec calme, j'ai ma conscience pour moi. Et si à travers tous les mensonges de la vie, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est la voix de la conscience. » Barbara s'appuie sur le canapé où est assis George Leland. Tous deux oublient ce que leur tête-à-tête a de périlleux, et ne voient pas deux yeux perçants fixés sur eux, les yeux perfides de Madame Morris qui les guette et les épis de la terrasse où elle est allée prendre l'air. « Pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé votre nom tout à l'heure ? » dit Barbara. « Pourquoi ce mystère ? Pourquoi ne recevrai-je pas un ancien ami ? » D'après ce que Mulford m'avait dit, je vous voyais comme la princesse dans le château de l'ogre et je croyais qu'il fallait user d'un stratagème pour parvenir jusqu'à vous. C'est une singulière idée, mais peu importe, en résumé, puisque vous êtes entré. » Et là-dessus, Barbara vient s'asseoir sur le canapé à côté de George Leland. Mille pensées diverses semblent rouler dans sa tête, mais enfin elle se décide à parler. « Permettez-moi de vous demander, » dit-elle sur un ton interrogatif plein de douceur, « ce qui vous a inspiré l'idée de venir me voir après... »« Après quoi ?» reprend vivement George Leland. Après avoir laissé ma lettre sans réponse, « Quelle lettre ?»« Moi, j'aurais laissé une lettre de vous sans réponse ?» En vain j'ai attendu, en vain j'ai espéré, mais rien n'est venu combler la plus douce, la plus chère et la plus vive de mes espérances. « N'auriez-vous donc pas reçu ma lettre ? » dit-elle douloureusement. « La lettre où je vous disais que si votre cœur me restait fidèle, peu m'importait la bonne ou la mauvaise fortune, la disgrâce ou les honneurs, la pauvreté ou la richesse. Cette lettre si rassurante ne m'est jamais parvenue, je vous le jure. Après la réception de votre lettre, je suis tombé malade et je vous écris de mon lit. J'ai confié mon message à Florence, puis j'ai attendu vainement, m'arrêtant à cette conclusion qu'il ne me restait plus qu'à souffrir et à me taire, dit-elle en pressant son cœur de sa main. Oui, et au bout d'un an, vous épousiez un homme riche, dit Leland d'un ton amer. Quand j'ai vu votre mariage dans les journaux, j'ai eu la naïveté de m'étonner que vous vous fussiez si vite consolé. Ce mariage assurait à ma mère et à ma sœur la sécurité de l'avenir. Aucun sacrifice ne pouvait me coûter, puisque vous aviez vous-même rompu nos liens, brisé nos engagements. Dans un moment de désespoir, me trouvant sous le coup d'indignes calomnies, j'ai cru de mon devoir de vous rendre votre parole et votre liberté. Ma foi en vous eût bravé l'opinion du monde entier. Hélas, après avoir tous deux poursuivi l'idéal du bonheur, nous n'avons étreint que la réalité du devoir accompli. Mais tout ce que nous pourrions dire ne viendrait qu'augmenter notre souffrance. Notre sort est irrévocable. Il faut le subir, mourir ou guérir. » Un pâle sourire effleura les lèvres de George Leland. « Il est des maladies dont on ne peut pas guérir, » dit-il d'un ton sinistre. « D'autres dont on ne veut pas guérir. Il faut que vous essayiez loyalement de guérir, » dit-elle à George Leland. « Il le faut, je le veux. C'est bien imprudent à vous d'être venu par un pareil temps. » Et elle posa sa main sur la manche du paletot du major. « Vous êtes mouillé, trempé. » « Oui, j'étais assailli par un effroyable orage. En tout cas, vous ne retournerez pas à pied. Je vais faire atteler. Mais que dira-t-on ? Je ne crains guère le quand dira-t-on. J'irai attendre, entre deux averses, le passage de la voiture publique. Ne vous occupez plus de moi. Retournez près de votre mari. » « Adieu, Barbara. Le bonheur de vous revoir a été un calmant pour mon âme endolorie. Je ne veux pas que vous partiez ainsi. Vous prendrez un peu de vin de Xérès et des sandwiches pendant que votre paletot séchera à la cuisine. » Barbara sonne et Gilmore entre. Elle prend le paletot du visiteur et revient avec un plateau chargé de liqueurs, de viande froide, qu'elle dépose sur une table ronde près de la cheminée. George Leland, débarrassé de son paletot, reparaît alors comme l'élégant, beau et mince capitaine de la Villa des Roses. Ses joues seulement sont plus basanées, et ses yeux brillent d'un feu plus ardent que par le passé. Il prend un verre de xérès et des sandwiches. « N'est-il pas bien étrange que je mange le pain et le sel de votre mari ? Pourquoi cela ? » répond Barbara avec un regard plein de bonne foi. « Vous venez me voir en ami, et non pour me faire de la peine. Mais je ne veux plus vous retenir. Adieu, Major Leland. » « Vous pouvez m'appeler, Major Leland, mais moi, jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à ma dernière heure, jusqu'à mon dernier soupir, je vous appellerai toujours, toujours, Barbara. Vous reverrai-je » dit-il. « Mon mari n'aime pas les étrangers, » répond-elle d'une voix tremblante. « Il est évident que vous pensez qu'il ne me ferait pas bon accueil. Il vaut mieux que je reparte pour l'Inde. Mon mari est la bonté même, mais il est brusque, et sans le vouloir, il pourrait vous froisser. » « Mon courage ne va pas jusqu'à me résigner à cet arrêt avec calme, » dit-il d'une voix émue. « Barbara, ma bien-aimée, pardonnez-moi d'avoir osé espérer que je pourrais lier le présent au passé. » Sa main écarte les cheveux qui ombragent le front de Barbara, et il contemple avec autant de respect que d'amour cet asile sacré de sa conscience. « L'eau transparente de la fontaine, » s'écrie-t-il, « n'est pas plus pure que vos pensées, mais le marbre n'est pas plus froid que votre cœur. » Vous appartenez aux régions sacrées où les êtres parfaits demeurent. Moi, à la masse de l'humanité qui pêche et qui souffre. « Adieu, » lui dit-elle en lui tendant la main et en maîtrisant sous un sourire navrant l'émotion qu'elle se sent monter au cœur. « Adieu, soignez-vous. » Mais à peine est-il parti qu'elle court s'enfermer dans sa chambre, tombe à genoux, le visage inondé de larmes, en s'écriant « Ma lettre, ma lettre !» Madame Maurice n'a garde de laisser ignorer à sa maîtresse la visite qu'a reçue Madame Penruff. Elle termine son long rapport en disant « J'ai cru devoir informer mademoiselle de ce grave événement, et malgré tout ce qui m'en a coûté, je ne recule jamais devant l'accomplissement d'un devoir. » « J'ai toujours cru, » répond mademoiselle Penruff, d'un ton de conviction, « que cela ne pouvait manquer de tourner ainsi. Barbara reçut une triste éducation. Là où il n'y a pas de principe religieux, on descend fatalement jusqu'au fond de l'abîme. Comment était ce visiteur, Maurice ? Il était couleur de bronze. Le soleil de l'Inde reluisait dans ses yeux. « Ah, je devine !» s'écrie Prissy. « Je comprends. Il est odieux de profiter de la maladie de mon pauvre frère pour se ménager un tel rendez-vous. » Quelques instants après, Madame Maurice se retire et Barbara entre. Elle a séché ses larmes. Prissy offre une tasse de thé à sa belle-sœur, dont la gorge est si serrée qu'elle ne peut boire. « Vous venez de recevoir une visite ? » dit-elle. « Oui, un ancien ami. » « Un pensionnaire de votre mère, sans doute, le major Leland. Vous devez le connaître de nom, car sa bravoure est légendaire en Angleterre. J'en ai entendu parler. Je l'aurais présenté à Vivien, s'il fût arrivé dans un moment plus propice. Je doute, en vérité, que cette présentation lui eût été agréable. » Mademoiselle Penruff en veut à Barbara de sa franchise, qui déroute tout son plan d'attaque et la laisse partir sans lui en avoir dit davantage. De son côté, Madame Maurice est ménagée ce soir-là un moment de tête-à-tête avec Marc. « Eh bien, lui dit-il, comment va Vivien ? Toujours de même. Sa santé n'est pas gravement atteinte et d'un jour à l'autre, il peut reprendre sa vie habituelle. J'ai déjà gagné votre sœur. Je finirai bien par captiver votre frère. Voilà 6 mois que vous jouez ce rôle et je ne vois aucun progrès acquis. C'est pour moi une situation des plus fausses, absurde. Le rôle de coureur d'héritage est encore plus méprisable que celui de coureur de dot. Si vous êtes un jour propriétaire du château de Penruff Place, personne ne vous le reprochera. Je ne veux ni du château ni de la fortune de mon frère, qu'ils gardent l'un et l'autre à perpétuité. Maintenant que les ardoisières sont en pleine prospérité, je suis le plus heureux des hommes. Que Vivien recouvre la santé et vive longtemps, c'est mon vœu le plus cher. Et le mien aussi. Quand il aura consenti à me reconnaître pour sa belle-sœur et accepter mes fils pour ses neveux. Avez-vous quelque espérance d'arriver à vos fins ? Plus que l'espérance, la certitude.